Si c'était juste pour te faire rire, faire une pirouette et puis mourir, je ne serais pas là. Si c'était contre ma nature d'effacer toutes tes ratures, je ne serais pas là. Je suis l'unique présent que tu pourras encore offrir à nos enfants grandissants, car je ne suis que l'avenir. Je ne suis pas un absent, un monarque fainéant. J'ai repris un abonnement, car sans ça évidemment je ne serais pas là. Suis-je les derniers échos de notre décadence, le refus obstiné de toute divergence? Est-ce si présomptueux de croire à ces légendes, ou après bien des errances selon sa mort? Si c'était sans ambiguïté et que rien ne m'agaçait, je ne serais pas là. Si c'était pour prendre la pose, un triste cirque tout repose, je ne serais pas là. Je suis un de bon sens, j'en ai cinq et ils ont faim. Je pèse dans la balance pour faire des rails et le train-train. Je suis un mercenaire au service mal employé. Je roule le ventre à terre, car si j'arrêtais de te chahuter, je ne serais pas là. Suis-je le dernier écho de notre décadence, le recul obstiné de toute divergence? Est-ce si présomptueux de croire à ces légendes, ou après bien des errants selon sa mort? Si j'ai des talents d'orateur, c'est pour obtenir tes clameurs, mais tu n'es plus là. Si je perds ce dernier combat, de qui pourrais-je suivre les pas? Tu n'es plus là. J'avais courbé mes armes, élaboré ma stratégie, écrit toute la trame pour être vainqueur à la nuit. Mais il y a un détail que bêtement j'avais omis, c'est qu'on ne peut livrer bataille qu'à ceux qu'on tient pour des ennemis. Et tu n'es plus là. Suis-je les derniers échos de notre décadence, le refus obstiné de toute divergence? Est-ce si présomptueux de croire à ces légendes, ou après bien des errants selon sa mort? Suis-je le dernier écho de notre décadence, le refus obstiné de toute divergence? Est-ce si présomptueux de croire à ces légendes, ou après bien des errants selon sa mort?